qui t'en bon guisait, mon salaoyo, tika badongolo misoy, mon salana bango wanae, mon sala kotongo baton, mon sala konfinga baton, mon sala konkata baton, mon sala kodindi sa baton, bilo balomana bango e, baebi bango na kisa soyo, baebi bango na Afrika, bako miko konta poto, pona bilo balo bae. Kolanda bango teo, landa mosala kota la simate, bimisa mongongo e. Luambo e na landa teo, luambo e na loba ninyo, biso toluka kaka ninyo, operasyon e, miziki ya zairo, e mata e mata e, ba problem ya moto na moto, e talise ye moko e, kozwa na yeto akele liye. Etali di soteo, peuple y conta musique yoka, y conta pa palabre, gaina oke jazz, ezali seli sanoe, ay gai mangwanae. Meme zali ma bemigyo, ya ya, gaio na kufa pambae, ondongo e. Meme zali ma bemigyo. Yo na kufa pamba e odongo e. Okay, loco.